chaque instant un souffle divin. Dans ce scream de chemin. In the fire's glow we come alive. Brighter skin leads, we all survive. Through the shadows, through the fight, together we stand. Le stream s'éteint mais la flamme reste. Chaque regard, la force manifeste. Riders Kill TV, souffle éternel.